faudra bien que cela cesse, il faudra bien dire la messe. Baisser le rideau une fois pour toutes, sur nos charniers, sur nos doutes. Laisser tomber nos amours fractales et leurs déroutes sentimentales. Nous en avons effeuillé les pétales et baisé leurs lèvres sales. Je n'ai jamais cru qu'il y ait un Dieu, ni en haut, ni en bas, ni au milieu. Pour pardonner à ceux qui nous ont offensés, mieux vaut ne pas trop y compter. Une autre vie, si l'on est ainsi. Thank you.